عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإننا نحمد ربنا سبحانه وتعالى حمدا كثيرا على نعمه الكثيرة التي لا يمكننا إحصاؤها، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وأن يلطف بنا فيما قصرنا فيه من حقه سبحانه وتعالى. Nous louons notre Seigneur subhanahu wa ta'ala d'une pleine louange pour ses bienfaits indénombrables subhanahu wa ta'ala sur nous. Tout comme nous le demandons subhanahu wa ta'ala de pardonner nos fautes et manquements concernant le droit immense qu'il possède sur nous subhanahu wa ta'ala. Cela étant dit, sans trop tarder, nous allons commencer bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala dans le sujet de cette allocution qui a pour titre le rôle de l'épouse dans le foyer. Et donc, cette allocution vise en apparence les femmes, dans le but que chaque épouse ou chaque femme qui se prépare à se marier puisse savoir quelques points importants concernant ce sujet immense qu'il ne convient à personne de négliger. Mais en réalité, nous disons que ce sujet ne vise pas seulement les femmes, mais en premier lieu les hommes. Limada. Car chacun sera amené ou bien sera confronté à un moment ou à l'autre face à ce sujet. C'est-à-dire chacun sera soit à la recherche d'une épouse, donc il est donc obligatoire pour lui de savoir le rôle de la femme dans son futur foyer, une chose qui lui permettra de mieux s'orienter dans son choix et dans les critères par lesquels il cherchera sa future épouse, ou bien dans d'autres situations, comme un homme qui sera déjà marié et qui doit donc connaître le rôle de l'épouse dans son foyer afin de pouvoir l'épauler, de pouvoir la conseiller, de pouvoir l'aider à accomplir ce rôle immense. Ou bien d'autres situations, comme le cas où si l'un d'entre nous doit conseiller sa sœur ou bien un parent ou bien une autre personne qui lui est proche et qu'il pourrait être amené à devoir conseiller. Donc pour commencer, je me fais un rappel à moi-même en premier lieu, puis à toute personne qui écoute cette allocution. Que cette personne soit une épouse ou un époux. Donc ce rappel vise la chose qui est la base de toute réforme. La chose par laquelle le serviteur obtient, s'il la concrétise, toute réforme. Fit dunya wal akhirah. Toute guidée et toute réussite dans ce bas monde et dans l'au-delà. Car il n'y a aucun doute que l'un des buts pour lesquels l'époux et l'épouse véridique dans sa religion veulent connaître le rôle de chacun dans son foyer est d'obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis d'obtenir le repos, la tranquillité et la réforme du foyer, ce qui sera une cause par la suite de bonheur pour les époux et pour les habitants de ce foyer. Et ce qui sera aussi une cause de réforme pour toute la société, car comme on le sait, la société est composée de foyers. Et donc, si chacun de ces foyers est réformé, alors toute la société sera bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala réformée. Et donc, que chacun d'entre nous sache et ait la ferme certitude que la base de toute réforme, ce sans quoi aucune réelle réussite et aucun réel bonheur ne peut s'obtenir, est la concrétisation de la foi. Tahqiqul iman. Awwalan qabla kulli shay. Le fait de concrétiser la foi, de réformer notre foi. Le fait de concrétiser la foi ainsi que ses piliers. Et cela pour chacun des deux époux. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son noble livre, d'après l'essence du verset, « Man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah » وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Il nous dit, subhanahu wa ta'ala, d'après l'essence du verset, Quiconque, mâle ou femelle, accomplit des œuvres pieuses tout en étant croyant, nous le ferons certainement vivre une bonne vie. فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا. Donc, la foi, car les œuvres pieuses font partie de la foi. Donc, nous disons que la foi, ici, est la cause de la réforme et la cause pour avoir une bonne vie. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset promet à quiconque concrétise la foi et ses piliers, qui sont la foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin, qu'il soit favorable ou défavorable. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui promet d'avoir une chose qui est ce que chaque être humain recherche et espère obtenir, et en particulier ici les conjoints et ceux qui forment un foyer. Donc la base de cette réforme est que chacun des deux époux accourt à apprendre et à mettre en pratique ce qu'il est obligatoire de connaître concernant sa foi en Allah subhanahu wa ta'ala et au pilier de la foi. Ce qui lui sera une aide capitale dans l'accomplissement de son rôle dans son foyer, sur plusieurs points. Parmi ceux-là, de par le fait qu'il aura concrétisé la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui lui accordera l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'amour envers Allah subhanahu wa ta'ala qui le poussera à accomplir les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et à délaisser ses interdits. Et aussi de par ce qu'il aura comme espoir en la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui rentre dans la foi au jour dernier. Et ce que Allah subhanahu wa ta'ala promis comme récompense à ceux qui accomplissent ses ordres subhanahu wa ta'ala. Pareil, ce qu'il aura comme endurance face aux situations difficiles qu'il pourra rencontrer face à cette tâche. Et cela revient, entre autres, à la foi au destin. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, a promis à ceux qui auront concrétisé la foi d'avoir une bonne vie. Et les gens de science citent que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas cité un point particulier. Il n'a pas cité la richesse, il n'a pas cité la beauté, il n'a pas cité la force, mais il a cité la bonne vie. Car la bonne vie est en réalité une chose qui est dans le cœur, et que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut accorder. Mais si la personne concrétise ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donnait de faire, alors cela sera une cause pour qu'elle puisse obtenir cette bonne vie. Et ici en particulier, la vie qu'il y a entre les conjoints. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi à ce sujet, d'après l'essence du verset, « Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amn. Ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. » Ceux qui ont cru à Amanou et n'ont entaché leur foi par aucune forme d'injustice, ceux-là sont ceux qui sont en sûreté et ils sont bien guidés. Donc encore une fois, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala promet à quiconque concrétise la foi, alladhina amanu, d'obtenir la sûreté et la sécurité et d'être bien guidé. Et dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas délimité la sûreté. Il n'a pas délimité non plus la guidée vers une chose particulière ou bien le fait d'être en sécurité d'une chose particulière. Non, car le sens ici est général. Donc ils seront en sécurité et en sûreté face à tout ce que peut craindre ceux qui n'auront pas concrétisé la foi. Ils seront bien guidés dans toute chose. Donc plus l'épouse et plus l'époux va accomplir ce qu'implique la foi avec science et œuvre, plus elle sera guidée et assistée par Allah subhanahu wa ta'ala dans l'accomplissement de son rôle de la manière qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, de l'inverse, va découler l'inverse. C'est-à-dire que la personne qui ne fait pas preuve de piété et ne veut pas par ce qu'implique la foi et se coordonne la foi, perdra l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala selon ce qu'elle aura délaissé comme acte de la foi. Et il n'y a aucun doute que celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'assiste pas est délaissé à sa personne ou bien est entre les mains de Shaytan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans l'invocation, « Oh Allah, ne m'abandonne pas à mon âme, ne serait-ce le temps d'un clin d'œil. » Ne serait-ce le temps d'un clin d'œil. « Allahumma la takilni ila nafsi, tarfata aynin, abadan. » Donc, pour résumer, en premier lieu, il incombe à l'épouse de faire preuve de piété à l'égard de son Seigneur subhanahu wa ta'ala, et de connaître ce qu'il est obligatoire concernant sa foi en Allah subhanahu wa ta'ala, dans le but d'obtenir l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'accomplissement de son rôle dans le foyer de son époux. Donc ils sont bien guidés. Donc Allah subhanahu wa ta'ala accordera la guidée à cette personne selon ce qu'elle aura concrétisé comme foi et comme acte de la foi. Et donc avant de citer certains points qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire à l'épouse dans son foyer, il y a un point important qu'il est obligatoire et qu'il est important de connaître et de comprendre par chaque épouse et par chaque époux. Ce point est que l'épouse doit absolument comprendre qu'il lui incombe d'avoir pour intention d'être pour son époux et d'être là pour l'épauler. D'être pour son époux et d'être là pour l'épauler. L'assister. Cela par le fait d'être à son service. En particulier pour ses affaires religieuses. C'est-à-dire le soutenir dans tout ce qu'il entreprend, dans ses affaires mondaines et dans ses affaires religieuses en particulier. Car l'épouse, dans ce point, a une place particulière et une place capitale pour l'homme. Voilà pourquoi il a été dit « وَرَاءَ كُلِّ رَجُلٍ عَظِيمٍ إِمْرَأَةٌ عَظِيمَةٌ » Derrière tout homme immense, il y a une femme immense. C'est-à-dire que cet homme qui a obtenu cette place immense auprès des gens et qui a accompli ces choses immenses ne l'a fait qu'après l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis l'aide d'une femme immense qui était à ses côtés pour lui. Donc pour l'épauler, pour le soutenir, pour l'assister, pour patienter avec lui. Et toute personne qui lit la biographie de beaucoup de salafs verra de très nombreux récits venant appuyer cela. Certains étaient épaulés par leur mère, comme le cas de l'imam Malik, imam Dar al-Hijra, l'imam de Al-Madina, rahimahullah. D'autres par leurs épouses, comme le récit que nous avons de cet homme qui était un commerçant, qui travaillait dans un marché, et qui a été vu par un des savants parmi les salafs. Et donc, ce savant a vu cet homme au marché en train de vendre sa marchandise, en faisant des éloges à sa marchandise et en jurant constamment par Allah subhanahu wa ta'ala pour vendre ses marchandises. Donc une chose qui est blâmable. Donc ce savant a donc décidé de le délaisser et de ne pas acheter chez lui à cause de cet acte qu'il faisait. Donc le fait de jurer et de vanter sa marchandise. Puis ce savant, quelques années plus tard, revient au même endroit et il vit le même homme en silence en train de vendre sa marchandise. Donc il lui dit, n'est-ce pas toi que j'ai rencontré il y a quelques années en train de vendre ta marchandise et en jurant par Allah? Il lui répondit, oh que oui. Puis cet homme lui dit, j'avais une épouse qui, lorsque j'apportais beaucoup de subsistance, n'estimait pas cela. Et lorsque j'apportais peu de subsistance, elle dénigrait cela. Puis Allah m'a fait miséricorde. Cette femme est décédée. Et il m'a accordé une femme qui, lorsque je sors de la maison, donc pour aller travailler, me dit « Crains Allah ». C'est-à-dire, ne te sens pas contraint à désobéir Allah subhanahu wa ta'ala pour notre subsistance. Donc elle lui dit « Crains Allah ». Car si tu apportes peu de subsistance, alors nous la ferons augmenter. Ou bien, nous allons considérer cela comme beaucoup. Et si tu apportes aucune subsistance, alors nous t'aiderons avec notre couture. Avec notre couture. C'est-à-dire que la femme va aider son mari dans les dépenses qu'il est censé lui faire. Et donc, depuis cela, l'homme est devenu ce qu'il est devenu. Une personne qui délaisse la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala dans sa recherche de la subsistance. Et donc, on voit l'énorme impact que peut avoir l'épouse sur son époux. Tant dans le bien que dans le mal. Et les récits à ce sujet sont nombreux. Et avant d'aller plus loin, nous avons pour cela le meilleur des exemples. Donc le meilleur des exemples que nous pouvons citer, qui est celui du meilleur des hommes, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que son épouse, qui est la mère des croyantes, Khadija, radiallahu anha, et qui est la première à avoir cru et à avoir assisté le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans sa lourde tâche. Et donc, Khadija, radiallahu anha, a assisté le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la fin de ses jours, à tel point où sa mort, la mort de Khadija, radiallahu anha, fut une cause de grande tristesse pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle est celle qui a dit au messager sallallahu alayhi wa sallam, après qu'il soit revenu de la grotte de Ghar Hira, après qu'il ait été effrayé par ce qu'il a vu là-bas et par ce qui s'est produit lorsque Jibril alayhi salam est venu et l'a enlacé et l'a serré très fort. Et donc lorsqu'il est revenu sallallahu alayhi wa sallam, la première à avoir cru en lui et à l'avoir assisté sallallahu alayhi wa sallam est Ummuna Khadija radiallahu anha. Donc elle lui a dit cette parole qui est connue: Wallahi, par Allah, Allah ne t'avilira pas. Puis elle lui a cité et lui a énuméré sallallahu alayhi wa sallam certaines de ses qualités, comme le fait qu'il lie les liens de parenté, qu'il honore l'invité, qu'il aide ceux dans le besoin et autres parmi ses qualités sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous avons ici un exemple clair qui est celui de notre mère, la mère des croyantes, Khadija radiallahu anha, avec le meilleur des hommes sallallahu alayhi wa sallam. Donc que chaque épouse voit qui elle souhaite prendre pour exemple et quel chemin elle souhaite emprunter. Est-ce qu'elle préfère emprunter le chemin qui est celui d'assister son mari, d'assister son époux, d'être à son service, fi sabilillah, dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de prendre comme exemple les meilleures des femmes, ou prendre le chemin qui pousse à être rebelle, à se monter contre son mari, à considérer son mari comme un ennemi ou autre, et à ne pas estimer son mari à sa juste valeur? Nous disons cela car malheureusement beaucoup de femmes sont touchées par certaines pensées qui vont être des pensées féministes ou autres, qui ont un impact qui va être négatif et qui vient à l'encontre de la voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiférée pour la meilleure des communautés, pour le meilleur des messagers sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous cite plusieurs fois qu'il nous a fait grâce et qu'il nous a accordé un bienfait immense par le fait d'avoir légiféré pour nous l'islam et cette religion-là, qui est parfaite et qui est venue gérer toutes choses et donner des règles pour toutes choses, et dans laquelle se trouve notre bonheur et notre élévation. Donc cette voie qui est la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celle de ses compagnons, et ce sur quoi étaient les premières et les meilleures femmes de cette communauté. Ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour tenir compagnie au messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est sur ces femmes-là que les femmes qui sont véridiques dans leur religion doivent prendre exemple. Et que l'épouse sache qu'en faisant cela, elle accourt à son honneur et à son élévation, dans ce bas monde et dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, d'après l'essence du verset, nous avons certes fait descendre sur vous un livre dans lequel se trouve votre honneur, votre élévation. Izzukum wa sharafukum. Ne raisonnez-vous donc pas. Et aussi, l'épouse doit savoir que lorsqu'elle accomplit cela, le fait d'assister son époux, le fait d'être à son service dans toutes ses affaires mondaines et religieuses, en particulier ses affaires religieuses, et d'être derrière lui, de l'épauler, donc elle doit savoir qu'à travers cela, elle accomplit un acte immense qui fait partie des actes qui contribuent au secours de l'islam et qui contribuent à la mise en pratique de l'islam. Car cela est une cause pour que cet époux accomplisse des choses immenses pour l'islam. Comme cité précédemment, derrière tout homme immense, il y a une femme immense. Et Allah subhanahu wa ta'ala a certes dit: et si vous secourez Allah, c'est-à-dire sa religion, alors Allah vous apportera son secours. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Donc que l'épouse qui prend ce rôle-là et qui agrée d'être au service, d'être à l'assistance de son époux dans ses intérêts religieux, qu'elle attende donc un secours proche venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certaines personnes peuvent dire: une femme qui n'a pas de science, qui n'a pas de connaissance dans la religion, comment peut-elle assister son époux, l'aider, le faire avancer. Les moyens pour assister son époux sont différents. Le simple fait de l'épauler, d'être avec lui, de ne pas lui désobéir dans cela, de ne pas lui montrer que c'est une chose qu'on n'accepte pas, d'accomplir ce qu'il veut que l'on fasse en son absence. Tout cela fait partie du fait de l'aider dans cela. Et de l'épauler pour qu'il prenne son rôle d'époux et qu'il soit une cause pour diriger, pour faire avancer son foyer vers les chemins qui mènent au paradis. Et donc à l'inverse, un homme qui n'est pas soutenu dans son foyer et dont le droit n'est pas accordé par son épouse dans son foyer pourra difficilement être un homme respectable et un homme qui accomplit de nobles choses à l'extérieur. Et donc, son épouse aura une grande part dans cela, car elle est le premier compagnon de cet homme. Donc, ces deux points-là, qui sont premièrement le fait de donner le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, par le fait d'apprendre le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala et de le mettre en pratique par l'épouse, puis de chercher à donner le droit de son époux, de l'épauler, de l'assister, d'être pour lui une aide et une assistance dans ses intérêts mondains et religieux. Mais ici en particulier, les intérêts religieux, car c'est ce par quoi va se distinguer la croyante d'autres. Car le mécréant peut aussi, ou bien la mécréante peut aussi aider son époux dans les intérêts mondains. Mais ici, la croyante a un point qui est en plus, qui est le fait qu'elle l'aide dans ses intérêts mondains et dans ses intérêts religieux. Et qu'elle espère par cela la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non pas pour lui rappeler ses bienfaits, pour lui dire « je t'ai fait telle ou telle chose, tel ou tel jour ». Tout cela va à l'encontre du fait de réellement concrétiser la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Car si jamais l'épouse a réellement concrétisé la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, elle n'attend de récompense que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle sait que Allah subhanahu wa ta'ala va la récompenser pour ce qu'elle a accompli. Et donc, ces deux points-là reviennent dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit « إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا أُدْخُلِ الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ بَابٍ شِئْتْ » Si l'épouse prie ses cinq prières quotidiennes, jeûne son mois de Ramadan, préserve sa chasteté et obéit à son époux, il lui sera alors dit « entre au paradis de la porte que tu veux ». Donc ici, le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui implique le fait de préserver ses cinq prières quotidiennes, de jeûner le mois de Ramadan, de préserver ses parties, et le droit de l'époux, qui implique le fait de lui obéir dans ce qu'il ordonne. Donc, à travers cela, nous voyons que le rôle de l'épouse dans la réforme de l'homme et de son foyer est immense. Et nous voyons aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a extrêmement facilité ce rôle par sa grâce subhanahu wa ta'ala. Cela à condition que la femme connaisse sa place et soit agréée et accepte le rang qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé. Et qu'elle obtiendra par cela d'immenses récompenses bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Et il faut savoir aussi que parmi ceux qui entrent dans l'obéissance de son mari, le fait d'être à son service dans son foyer. Tout cela dans le but de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, à son époux, à propos duquel Allah subhanahu wa ta'ala a dit, d'après l'essence du verset, « وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً » Et il a placé entre vous, donc entre les deux époux, de l'amour et de la miséricorde. Donc, cet amour qu'il y a entre les deux époux et cette miséricorde va dans les deux sens et doit avoir des fruits et des impacts que l'on perçoit. Et l'épouse doit aussi prendre garde à tout ce qui va être pour elle un obstacle dans la concrétisation de cette tâche et de ce rôle dans son foyer. Et il est visé ici en particulier les mauvaises fréquentations, en particulier à travers les réseaux sociaux et le fait de prêter l'oreille à tout et à n'importe qui, à tout le monde et à n'importe qui. Car cela est une cause d'égarement. Et cela est une cause de la déviance du cœur. Car il faut savoir que Shaytan et sa ruse ont pour but en premier lieu d'impacter et de corrompre le cœur du croyant. Et que les principales voies par lesquelles Shaytan peut atteindre le cœur du croyant et de la croyante sont son ouïe et sa vue. Donc, que l'épouse prenne garde à ne faire entrer dans son foyer, dans le foyer de son mari, à travers ses réseaux sociaux, des choses qui déplaisent Allah subhanahu wa ta'ala. Des choses à travers lesquelles Shaytan aura une emprise sur elle et qui seront des causes pour que la réforme qui est voulue dans ce foyer ne puisse être obtenue. Car toutes ces choses-là seront des sources de malheur dans le foyer dont l'épouse aura été la cause. Mais à l'inverse, donc, l'épouse doit s'efforcer à faire que ce foyer soit un lieu rempli d'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, min dhikrillahi tabaraka wa ta'ala, un lieu de rappel, un lieu d'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, pour que puisse y trouver la présence des anges, al-malaika, qui sont une cause de miséricorde pour les habitants de cette demeure. En premier lieu, les époux, puis les enfants. Et il faut savoir aussi que ce sujet, qui est le rôle de l'épouse dans son foyer, demande bien plus de détails, bien plus de temps. Mais comme il a été dit, ma la yudraku kulluhu, la yudraku kulluhu. Ce qui ne peut pas être obtenu entièrement ne doit pas non plus être délaissé entièrement. Donc ici, les points principaux sur lesquels on appuie sont premièrement le fait que l'épouse se rende constamment de ce rôle immense qu'elle a dans la réforme de son mari. Car si elle est réformée bi-idhnillahi tabaraka wa ta'ala, alors il découlera de cela la réforme de son mari. Puis la réforme des enfants, qui est un sujet qui a été traité bi-idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Et si elle est pervertie et elle n'aide pas son mari dans le cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala, cela aura un impact immense dans la réforme du mari, dans sa faiblesse dans sa religion, et par la suite, dans la faiblesse de la société dans laquelle elle vit, en particulier dans une société où les musulmans sont présents. Wa kadhalika, le fait que l'épouse se rende compte qu'à travers cela, elle contribue au fait de secourir la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc par cela, elle obtiendra bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala d'immenses récompenses comme Allah subhanahu wa ta'ala a promis. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Et si vous secourez Allah, alors Allah vous apportera son secours et il raffermira vos pas. Donc c'est une cause pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde d'immenses récompenses à celle qui prend ce rôle-là. Et en faisant cela, elle aura pris comme exemple les meilleures des femmes de cette communauté qui sont nos mères, les mères des croyantes, les épouses des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux que Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé de prendre comme exemple et de suivre leurs traces. Et donc, pour finir, donc je dirige un dernier conseil à moi-même en premier lieu et à toute personne qui écoute cette parole et qui désire obtenir la réforme dans ce bas monde et les immenses récompenses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservées dans le-delà. Ce point est l'importance et le bienfait de la hijra, en particulier pour ce sujet. Car quoi que l'on puisse dire, la pratique de la religion, donc du musulman, et en particulier ici le rôle de l'épouse ou de l'époux, devient un très gros combat lorsqu'on est entouré de ce qui va à l'encontre de cela. Lorsqu'on est dans un milieu où tout nous pousse à emprunter une voie qui est inverse à celle que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, à celle que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré pour son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi il fait partie de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son immense bienfait sur nous, le fait qu'il nous ait légiféré et qu'il nous ait rendu obligatoire cette hijra. Car en plus des immenses récompenses qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a promis dans ce bas monde et dans l'au-delà, Allah subhanahu wa ta'ala par cela nous aide à nous réformer, nous aide à avoir de bons exemples autour de nous. Et toutes ces choses-là qui paraissent très dures à accomplir en terre de mécréance deviennent faciles, deviennent simples. Et la personne prend du plaisir à accomplir ces choses-là qui étaient auparavant pour elle une tâche difficile. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'après le sens du verset: وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Il nous dit subhanahu wa ta'ala d'après le sens du verset: et ceux qui ont émigré pour la cause d'Allah, après avoir subi des injustices, nous les installerons dans une situation agréable dans la vie d'ici-bas. Nous les installerons dans une situation agréable dans la vie d'ici-bas. Et le salaire de la vie dernière sera plus grand encore, s'ils savaient. C'est-à-dire, s'ils savaient les récompenses qu'ils obtiendront dans ce bas monde et dans le-delà, alors personne n'aurait retardé cet acte. Et personne n'aurait tardé à accomplir cela, et toute personne aurait accouru à accomplir cet acte-là. Puis Allah subhanahu wa ta'ala finit le verset par sa parole: الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. C'est comme s'il a été dit, qui sont ces personnes-là qui accomplissent la hijra et qui ont cette récompense d'avoir une bonne situation dans ce bas monde et d'avoir une récompense immense dans le-delà. Il nous dit subhanahu wa ta'ala: الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Ceux qui ont enduré, ceux qui endurent et qui placent leur confiance en leur Seigneur seul. الصبر والتوكل. Par cela, Allah subhanahu wa ta'ala promet d'avoir une situation stable, une bonne situation dans ce bas monde et d'immenses récompenses dans le-delà. Hada wallahu a'lam. En remerciant Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de pouvoir nous réunir aujourd'hui et toute personne qui a participé à la concrétisation de ce séminaire, à leur tête, Akhuna Youssouf Abu Abdelrazzaq, waffaqahumullahu li kulli khayr, ainsi que tous les frères conférenciers, wa kadhalika notre noble cheikh, le cheikh Munir Al-Saadi, hafidhahullah, pour son temps qu'il a accordé, ainsi que toute personne ayant assisté au cours donné pendant ce séminaire, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala d'inscrire cela dans la balance de bonnes actions de chacun d'entre nous, et que chacun d'entre nous puisse retrouver cela le jour où ni bien et ni enfant ne seront profitables à quiconque, si ce n'est celui qui vient à Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur pur. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa subhanakallahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallillahumma wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.